matin devant ma glace. Je vois les souvenirs qui s'effacent. Mon cœur me bat plus que pour toi. Le feu a brûlé, mais il s'éteindra. Souffrir d'aimer, c'est aimer à en souffrir. Souffrir d'aimer, c'est ta chaleur qui m'attire. Oui, de son cœur sur mon corps et mon cœur qui cogne encore. Souffrir d'aimer, c'est partir en fumée. Se casse dans ma folie. Au fond, qu'aura été ma vie? Feu de paille et cigarette éteinte. Ton visage dans ce verre d'absinthe. Souffrir d'aimer, c'est aimer à en souffrir. Souffrir d'aimer, c'est ta chaleur qui m'attire. Oui, ton corps sur mon cœur et mon cœur qui cogne encore. Souffrir d'aimer, c'est mourir à jamais. Chaque jour, mon amour, souffrir d'aimer, c'est le bruit et le coup. Souffrir d'aimer, c'est vivre à en crever, mon amour. Souffrir d'aimer, c'est souffrir d'amour. C'est aimer à en souffrir. Souffrir d'aimer, c'est ta chaleur qui m'attire. Et mon cœur sur ton cœur et mon cœur qui cogne encore. Souffrir d'aimer,